la sérénade, timide ce grand amour qui dans mon cœur se balade. Et je n'ose, je n'ose, je n'ose, je n'ose jamais lui dire l'amour qu'elle en mit en moi. Je sais bien que c'est dommage, et je n'ose pas. Madame la Lune, qui est mon amie, plaignez mon infortune et dites-lui pour moi que je l'aime, mais que je n'ai plus de courage. Quand je la vois devant moi, je sais bien que c'est dommage, mais je n'ose pas. Vous qui veillez comme un doux réverbère sur les amours et les joies de la terre, faites pour moi qu'elle entende ma voix, que sans vous, jamais elle m'écoutera. Timida la serenata, timida come le cuo, mi vorrebbe dire qualcosa, ma non osa, non osa, non osa. Timida la bocca tua, timida come le cuo, mi vorrebbe dire qualcosa, ma non osa, non osa. Madame la Lune, qui est mon amie, plaignez mon infortune et dites-lui pour moi que je l'aime, je l'aime, je l'aime, mais que je n'ai plus de courage. Quand je la vois devant moi, je sais bien que c'est dommage, mais je n'ose, je n'ose. Mais je n'ose, je n'ose pas. Mais je n'ose, je n'ose pas. Mais je n'ose, je n'ose pas.